À mesure que la paix de nos quartiers s'éloigne, s'installent des discours qui font peur, j'en témoigne. Qui donc possède-t-il le remède qui soigne? Quel est le bon dosage de douceur et de poigne? En tout cas, on n'a pas le droit d'évoquer le non-lieu. On est tous coupables de ne pas ouvrir les yeux. On est trop minables et l'on voudrait tous croire en Dieu. La violence chez l'homme est un crime odieux. Mais on va pas nous la faire malgré les décennies. On a passé à l'arrière malgré tous les ennuis. Quand les taux se resserrent, on redouble d'énergie. Avec un genou à terre, le combat se poursuit. Toujours et toujours. Du moment que dans nos cœurs il y a de l'amour. Toujours et toujours. Mes voisins, dans le calme, sont endormis, pas le moindre bruit. Le quartier a rendu son silence à la nuit, pas de pleurs, pas de cris. On devrait fêter ça, mais le cœur n'y est pas, allez savoir pourquoi. On a le sentiment d'être exclu et puni, d'être oublié du droit. Mais quand certains se disent en place que plus rien ne les dépasse, qui pour très cher se déplacent toujours en première classe, je dis que grand bien leur fasse, moi de tout ça je m'en passe, je préfère monter des basses et faire des dédicaces. Toujours et toujours, du moment que dans nos cœurs il y a de l'amour. Toujours et toujours. Toujours et toujours, du moment que dans nos cœurs il y a de l'amour. Visiblement, ils sont aveugles au Parlement. Ils ne perçoivent pas la détresse des pauvres gens. Qui voudraient vivre en paix tout de suite et maintenant. Qui voudraient se nourrir et se loger décemment. Qui ne veulent plus être obligés de se montrer violents. Et ne plus voir les prisons se remplir de leurs enfants. Qui aimeraient vivre heureux tout simplement. Et arrêter de répéter que c'était mieux avant. Mais si on doit tous les jours aller au charbon pour nourrir la famille en risquant la prison, ça n'est pas une vie, pas une vraie solution. Nous on en a pas envie, c'est pourquoi nous nous battrons. Toujours et toujours, du moment que dans nos cœurs il y a de l'amour. Toujours et toujours. Toujours et toujours, du moment que dans nos cœurs il y a de l'amour. Toujours et toujours.